Ça font ma connaître car c'est colonne vertébrale. Six thirty, bubble up, etc. En caroluqué qu'on mal verra. Bien gras, la vie dans l'homme camouflage, c'est bras. Les gars, mange sur face là, à la et bras. Allez bas, mon zèle qu'a descendre de pays en pays bas. Mi bas, y'en qui t'sol, pas ni man qui n'a. Qui n'a, why them sugar qui n'a. Mon zèle qu'a croisé Kaila, sans sommation. Et qu'a fait nom, changer ton, changer intonation. Je veux être son pépito, mi corazon. Je veux être son pépito. Pepito Miko, West Indian girl, pas qu'à faire décoration. Pas la veine, by poil à sa propre consommation. Mazel qu'à manger ce qui telle concoulation. Mazel pas jamais servi l'autre consolation. Sa femme fraîche, ni bonne ni palais. Les 80 c'est faux de tout moun en baile. Tout moun en baile, girl, si tu savais. Elle a le double de ce que tu n'auras jamais. Quand t'as qu'à monter ta on la aura belle. Prochain en privé, donc bonne nous en faveur. Si on camine en soirée, aïe, planté madère. Mazel qu'a croisé Kaila sans sommation. Et qu'a fait nom, changer ton, changer intonation. Je veux être son pépito, mi corazon. Je veux être son pépito, mi co. Mais c'est French Guyana girl, pas qu'a fait décoration. Pas la veine, by poil à sa propre consommation. Mazel qu'a mangé ce qui est telle concoulation. Mazel pas jamais servi l'autre consolation. Hey, perfection totale, polie local. Tinel, homorise, avocat. Mazel gain sur route et vodka, mais ne fais pas n'importe quoi. Fais pas crier ce que tel ni chata. Come again, y'all too hot. Boom pour ma fat. Presse best squad, give me des bombes pas clap. Y'all too hot. Boom pour ma fat. But no WhatsApp, no screenshot. Mazel qu'a croisé Kaila sans sommation. Et qu'a fait nom, changer ton, changer intonation. Je veux être son pépito, mi corazon. Je veux être son pépito, mi co. West Indian girl, pas qu'a fait décoration. Pas la veine, by poil à sa propre consommation. Mazel qu'a mangé ce qui est telle concoulation. Mazel pas jamais servi l'autre consolation. Ça va ma connaître qu'a ses colonnes vertébrales. Six thirty, bubble up, etc. En caroluqué qu'on mal verra. Bien gras. Tapis dans l'homme camouflage, c'est bras. Les gars, mange sur face là, à la et bras. Arriba, Mazel qu'a descendre de pays en pays bas. Mi bas, y'en qui t'sol, pas ni man qui n'a. Qui n'a, why them sugar qui l'a. Mazel qu'a croisé Kaila sans sommation. Et qu'a fait nom, changer ton, changer intonation. Je veux être son pépito, mi corazon. Je veux être son pépito, mi co. West Indian girl, pas qu'a faire décoration. Pas la veine, by poil à sa propre consommation. Mazel qu'a mangé ce qui telle concoulation. Mazel pas jamais servi l'autre consolation.